Yeah. Les pensées, oh, aïe. C'est quand le malheur me touche et que la douleur devient profonde. Je me mets à écrire ces lettres aux disparus, aux détenus, à ceux qui partagent mon mal-être. J'écris sans retenue, pour une fois je laisse glisser ma plume. Je n'ai aucun thème, ce soir je laisse causer l'amertume. Malheur à ceux qui aiment, ce mot est trop con. Le sentiment troqué contre du rêve, enfermé dans des cocons, je demeure bloqué. Notre réflexion alloquée trop, la plupart sous le choc. Je l'ai vu sur la gueule de nos parents assis dans le métro. Réalité n'est qu'un fait, on préfère vivre dans le mensonge. L'enfer réservé aux sages et à ceux qui y songent. Passez-leur le message, allez leur dire que ça s'annonce hot. Il ne restera que nos plumes, même ces putes nous boycottent. Rien n'est restreint, enfonce les portes, y'a plus que ça à foutre. Tu rates un train, prends le prochain, on t'attend sur la route. Frangin, y'a rien qui me déroute, même pas leur saloperie de rap. À part les quelques pouf, accroché à ma grappe, sur le point de devenir ouf, la plupart des raps et finissent tous dans le caniveau. Trêve de paliverne, beaucoup pris encore devant le veau. Malheureux sommes inconscients, aux incrédules, aux brebis égarés. Ce monde est qu'éphémère, un jour ou l'autre on va tous barrer. La justice nique sa mère, c'est leur kiff nous envoyer au trou. Alors que ces porcs sont tous des sauces à l'utrou. À Marina, à Marianne, je vous baise. De la part de la jeunesse congolaise, libre pensée. Ok, ils veulent aseptiser mon verbe, la rage à l'estomac, je gerbe un phrasier corrosif, nocif. Marianne pensive quant aux raisons de ma colère. J'apporte un rabat, crade pour les man qui en bavent. Grave diagnostic, ils veulent diaboliser ma zik, m'empêcher de m'exprimer à travers ma zik. L'exutoire de mon ghetto à chef micro. Pour easy chant comme Lino, j'apporte cette musique délinquante et remonte la pente. Parsemé de fer brisé, scène de la langue. Lame de rasoir sur jour brisé, je veux vivre libre, pensant. La rage dansant, ma zik, régulant nos cœurs et nos battements. Thaïlande, libre pensée. Libre pensée, rien à foutre de ce que tu penses. L'enfer, apprends à devenir un homme calme au lieu de te presser. Libre pensée, toujours Yves quand j'écris, je pense à ceux qui nous ont quittés trop tôt, qui nous ont laissés. Libre pensée, rien à foutre de ce que tu penses. L'enfer, apprends à devenir un homme calme au lieu de te presser. Libre pensée. Toujours Yves quand j'écris, je pense à ceux qui nous ont quittés trop tôt, qui nous ont laissés. Ma libre pensée, le monde part en vrai. Je suis fier d'être qu'un frais. Faut que les guerres cessent, je te le jure, tous les jours je prie. Les gens n'aiment pas les gens, moi t'aimes bien quand tu mets bien les gens. Sinon on fait couler ton sang gras. Et si la liberté coûte cher, y'a trop de racisme mon frère. J'en ai marre tous les jours de battre le fer. C'est toujours les mêmes qui souffrent, les mêmes qui remplissent les poches. Le vent souffle, je te jure, préviens tes proches. On vit dans un pays où la discrimination raciale, ça l'effort, personne n'en parle. Et on est là comme des feuilles mortes. Je vais changer ce monde de merde. Plus rien à perdre, je te le jure, cousin. Ici on vit dans la merde. On ira jusqu'au bout, on lâchera pas l'affaire. Et même à genoux, je te le jure, mon frère. C'est ça, sache que la révolution fait bouger les choses. J'augmente la dose pour mes soeurs en maison close. Les pensées, rien à foutre de ce que tu penses. L'enfer, apprends à devenir un homme calme au lieu de te presser. Les pensées, toujours Yves quand j'écris, je pense à ceux qui nous ont quittés trop tôt, qui les ont laissés. Les pensées, rien à foutre de ce que tu penses. L'enfer, apprends à devenir un homme calme au lieu de te presser. Les pensées, toujours Yves quand j'écris, je pense à ceux qui nous ont quittés trop tôt, qui les ont laissés. Libre pensée, la réalité m'accule mes pas. Suis-je libre ou prisonnier lorsqu'ils me prennent en otage jusqu'à l'insomnie? Oublie l'utopie d'un monde paisible, hostile, inconsciemment l'homme est devenu sa propre cible. Livre une pensée aux nombreuses victimes de conflits ethniques. Pas de guerre civile sans différents politiques. Une pensée aux enfants exploités d'Afrique ou d'Asie par les occidentaux abusés. Donc marqué pour la vie de l'ancien détenu, traumatisé par un dur séjour au cancérigène qui ne demande qu'à mettre fin à ses jours et s'achever. Trop peu d'amour pour maintenir l'équilibre étouffé. Je doute que mes pensées soient vraiment libres, là où on met tout en œuvre pour que la rébellion perde pied. J'ai choisi ma position, plutôt chasseur que gibier. Ne dors plus que d'un seul œil à réfléchir. Je transpire au transcrit mes pensées lorsque la mélodie m'inspire. Libre. C'est l'heure, faire mon collage. Trois feuilles de 16 phrases, je te roule un speed de 48 grammes. Sais-tu, des bonhommes sont pétés pour un collage. Que mes négros portent des collants. Sur la tête, en main, on calibre esclave de la vie, on les appelle les cerfs-volants. Je suis bien placé pour savoir que la vérité sort de la bouche des soulards. À l'état brut, émotions confuses aux idées noires, ruant dans les brancards, négros sans profession. J'assiste à la profusion de prophètes du son en soins intensifs. J'ai la haine en perfusion, mes pectoraux comme régis. relief, résistant aux torboyaux. Fais flipper les oufs qui cherchent à faire du bénéfice sur mes bifs, ton protecteur du joyau. Mon cœur, un chiffon, chaque soir mon pouvoir, je finis par le cracher dans le siphon. Alors s'il faut que ça pète, tes potes finiront à luxe. Alors du tête à tête, la nuque brisée dans la rue pour une save, l'électrocardiogramme s'arrête. À quoi bon se fier aux dames? C'est le bazar de l'épouvante pour une liasse de Jean Hart. Barbie a foutu à Ken une bastos dans le ventre. On linge des blackos dans le centre de rétention. Danse le torse plein de sky à Paname. Les oulettes enfantent des gosses pour le style. On va se défoncer au rhum et faire le sale boulot. Réveille-toi Malcolm, tes fils ont la tête sous l'eau.